Ah bah ouais, Bersa. J'vois mon pire ennemi dans le miroir. Ce qui est passé est mort, on peut pas changer l'histoire. J'ai quelques souvenirs de toi en mémoire. On m'a dit faut y croire, mais petit à petit j'perds espoir. J'suis armé dans la ville, mes potes sortent de l'asile. Cherche case en Asie, j'suis aimé comme Marine, détesté comme Marine. J'vois moula pour narine, j'ai chargé 22 kilos dans la caisse. J'dois enterrer mes seuls à vu l'épaisseur. J'sais pas, j'ai bouge, j'suis toujours dans ma thèse. À midi sur le terrain, sur 10h. J'ressors d'un plafond bénéfice. Pas d'avocat commis d'office. Elle a vu la caisse, j'vois son vice. Si tu veux monter, faut que tu suces. En tempête, je navigue. M'aimeras-tu pour la vie? Les problèmes rendent la vue. De avril à avril, devant la pharmacie, j'vois moula pour narine. J'vois mon pire ennemi dans le miroir. Ce qui est passé est mort, on peut pas changer l'histoire. J'ai quelques souvenirs de toi en mémoire. On m'a dit faut y croire, mais petit à petit j'perds espoir. J'vois mon pire ennemi dans le miroir. Ce qui est passé est mort, on peut pas changer l'histoire. J'ai quelques souvenirs de toi en mémoire. On m'a dit faut y croire, mais petit à petit j'perds espoir. J'pensais voir la vie autrement avec des lovés. J'trouverais pas l'amour dans le prêt même s'il y a du blé. Demande-moi pas du temps, j'en ai plus. Photo tu deviens distant, j'te vois plus. J'suis dans le box, bonbonne de 50, les cafes m'ont mis les pinces. Trop de bleu sur le terrain, j'suis pas au parc des princes. Qui veut trop briller finit par se faire éteindre. Y'a pas de gros billets sans les risques. Devant l'OPJ genre que des disquettes. Y'a qu'un seul homme qui m'appelle fils. J'ai mis un litron dans la putette. En tempête je navigue. M'aimeras-tu pour la vie? Les problèmes rendent la vue. De avril à avril, devant la pharmacie, j'vois moula pour narine. J'vois mon pire ennemi dans le miroir. Ce qui est passé est mort, on peut pas changer l'histoire. J'ai quelques souvenirs de toi en mémoire. On m'a dit faut y croire, mais petit à petit j'perds espoir. J'vois mon pire ennemi dans le miroir. Ce qui est passé est mort, on peut pas changer l'histoire.